L'erreur chose dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il y a des formes d'écriture qui ne fonctionnent pas déjà. Donc, alors, je fais encore un petit préalable. C'est assez récent, on n'a pas beaucoup de recul sur qu'est-ce qui fonctionne avec de la danse finalement. Si vous regardez bien, c'est quoi? C'est de l'ordre de 10-15 ans, enfin. Hein. Donc, déjà, on est en pleine période de recherche, donc j'avance un petit peu à pas compter en disant ça. Mais c'est vrai qu'il y a des formes, on le voit bien avec Jean-Claude, il y a des formes d'écriture qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est plutôt une forme d'écriture qui s'apparente au cinéma. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que on peut mettre du poétique, etc., mais il faut qu'il y ait une tournure relativement quotidienne. Que ça ne peut pas prendre l'ampleur de le grand lyrisme, etc., au théâtre, ça peut s'accepter aujourd'hui, selon comment c'est fait. En danse, en tout cas avec cette danse-là, c'est quasiment impossible. Donc c'est de l'ordre plutôt du dialoguiste de cinéma, si j'ose dire. Et puis, ou de la pensée, c'est ça qui est intéressant aussi. On le dit d'ailleurs, on se l'est dit déjà avec Jean-Claude, la danse, elle est un peu entre le cinéma et la pensée. Alors quand je dis la pensée, il ne faut pas s'amuser à lancer comme ça, des aphorismes philosophiques, comme ça. Mais cet endroit-là supporte quand même un peu de pensée. Il faut faire très attention, hein, faut pas, parce que ça peut indisposer. Mais ça, quand même, il suffit qu'elle soit un peu poétisée dans la forme, et les gens l'acceptent. On l'a vu dans les chroniques, les gens acceptent ça. Donc entre la forme cinéma un peu comme ça, directe, hein, et puis la pensée, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais là on est en pleine recherche, donc je ne peux pas vous l'affirmer, je ne peux pas le graver dans le marbre, mais j'ai l'impression qu'on est là. Tout ce qui est théâtral est insupportable, de mon point de vue. C'est-à-dire que le dialogue théâtral, en n'en parlant pas, même le dialogue théâtral d'aujourd'hui, c'est ça qui est curieux, je ne parle pas du dialogue classique qu'on a tous dans la tête, je parle même de la forme théâtrale ne rentre pas à l'intérieur. Et avec Jean-Claude, on est extrêmement vigilant parce que. Enfin, on est tous les deux, alors là, on est les gardiens tous les deux de ce qui est possible d'entendre sur une scène. Donc, parfois, j'écris un texte dont je suis vraiment très content parce que c'est un texte extraordinaire, il ne marche pas, donc il va à la poubelle. Et parfois, et c'est comme ça d'ailleurs dans le quotidien, que parfois je donne un texte que Jean-Claude aimerait l'avoir vite pour l'essayer l'après-midi, donc je jette quelques lignes en me disant de toute façon c'est du brouillon, c'est simplement pour voir s'il va rentrer, et Jean-Claude le garde. Donc moi je m'insurge en disant mais non c'est un très mauvais texte, tu peux pas garder ça. Et c'est un peu la bagarre. Et bien entendu il a raison, c'est que ce que j'appelle le très mauvais texte, c'est un texte qui a été jeté dans la forme de manière assez légère, mais on espère qu'il y a un peu de sens. Et c'est ça qui fonctionne sur la scène. Donc et ce que je dis là, là je fais part d'un constat. Hein. C'est pas du tout une théorie puisque c'est encore trop jeune. J'oscille, on oscille entre les deux. Entre ces deux, hein, j'ai fait entendre dans les chroniques, on a fait entendre du Deleuze, du Gilles Deleuze. Bon, a priori, comme ça, si on vous dit ça, vous dites oula, qu'est-ce que ça donne? Ça a été très entendu. Jean-Claude l'a mis à un endroit où il fallait qu'il soit, ce texte, et en off. Et les gens l'ont entendu. Alors faire entendre du Gilles Deleuze à du public pour qu'ils l'entendent vraiment sans qu'ils se disent qu'est-ce que c'est que cette philosophie? C'est extraordinaire. Donc il y a ça, et puis il y a, je vous dis, les petits mots comme ça, les petites choses voilà, avec des formes pas trop trop lourdes. Moi j'en suis là dans ce que je pense devoir fonctionner avec de la danse. Il me semble que le matériau textuel brut marche très bien. On ose des choses, et puis dans les chroniques, il y a même du Sarkozy dans le texte. Donc on ose des choses quand même. C'était pas trop notre tendance jusqu'à présent. Donc de Deleuze à Sarkozy, en passant par moi, enfin oui, c'est vrai. On essaye, mais je crois que. Enfin, il me semble que c'est. Que c'est. Mais c'est quand même de l'ordre de la pensée, ce que vous êtes en train de faire. Donc la pensée fonctionne avec la danse, voilà. Et le quotidien fonctionne avec la danse. C'est tout ce qui est au milieu qui ne me paraît pas fonctionner.